Chapitre 20e. Comme toutes les vieilles villes dont l'industrie moderne a secoué la torpeur hiératique, Aix a fait tomber ses remparts et s'est développée en tous sens, remplaçant les tourelles par des manufactures, les mâchicoulis par des usines. La capitale du roi René, de poétique mémoire, le siège du Parlement, Aix-en-Provence, est devenue un centre industriel très important. Ces deux noblesses superposées, ou plutôt juxtaposées, noblesse d'épée et noblesse de robe, ont fait alliance pour conserver ne fût-ce qu'un souvenir de la tradition de la grande vie d'autrefois. Mais les fortunes se sont divisées. Des beaux hôtels trop vastes, les uns restent fermés et tombent en ruine, les autres ont passé à l'ennemi et abritent le trafic de la laine, de l'huile ou des amandes. Dans aucune ville, la scission n'est aussi complète. L'aristocratie et la bourgeoisie ne sont aussi distinctes. C'est par une exception tout à fait particulière que ces deux mondes se sont trouvés en contact journalier chez Madame Ripert. Ce qui avait facilité cette réunion, ce qui du moins l'avait rendue moins difficile, c'est que la sirène bourgeoise était nouvelle venue dans la ville et aussi parce que sa maison, de construction récente, ne rappelait aucun souvenir des splendeurs disparues ou transformées. Madame Ripert avait son établissement commercial et sa maison d'habitation à l'extrémité du faubourg ou bourgade, sur le cours au boulevard des Minimes. La maison est très grande, les magasins sont immenses, et constamment, de nouveaux hangars se dressent sur un grand terrain, naguère champ de blé. Un joli jardin précède la maison d'habitation. Le premier soin de Julien, quand il se fut installé avec Mélanie à l'hôtel de la Mule Noire, fut de reconnaître les lieux. Sa première déception fut de constater qu'il lui serait bien difficile de se mettre en observation. Le cours des Minimes est bâti d'un seul côté, la chaussée dominant un vallon assez profond. Mais il avait hâte de conférer avec son ami Georges de Villeberg, et après les compliments d'usage, « Selon toi, Madame Ripert refuserait catégoriquement toute explication concernant sa fille. C'est ma conviction, surtout si le négociateur c'est toi. Qui veux-tu que ce soit ? Oh, je ne veux rien. Je te donne mon opinion et je la base sur une manifestation de Madame Ripert elle-même. Je t'écris que le hasard m'a appris qu'elle connaît ton histoire. C'est au cercle que j'en ai été instruit. Monsieur Guermandie rendait compte de son entretien avec elle à un de ses amis qui t'avait reconnu à Genève. Tu étais, paraît-il, très malade. Voici textuellement ses paroles. Quelle terrible femme! J'ai voulu la convaincre des intentions loyales de Julien. Elle m'a écouté en souriant de ce sourire ironique que vous connaissez. Quand je lui ai dit le délabrement physique du sauveteur de sa fille, elle m'a regardé bien en face, avec une superbe ironie. Le pauvre garçon, cela ne m'étonne pas. Décidément, il n'est pas de force. Et quoi? Croit-elle donc que je suis l'amant de sa fille? Oh, la misérable, mais c'est infâme! Tu as voulu la vérité, la voilà. Elle est triste, j'en conviens. Que faire? Aimes-tu, mademoiselle Mélanie? Le sais-je? L'aimes-tu, oui ou non? Eh bien, oui. Dans ce cas, qu'elle fasse à sa mère des actes respectueux, mariez-vous et partez. Oui, ce serait la meilleure solution. Si je n'avais pas été l'amant de sa mère. Mon cher ami, avec une femme comme Madame Ripert, les règles ordinaires de conduite peuvent, doivent même être transgressées. Le conseil que je te donne, tu seras obligé de le suivre plus tard, avec cette circonstance aggravante qu'il y aura eu un scandale plus ou moins retentissant. Ce serait ma justification, personne n'aurait rien à me reprocher. Oh, que tu connais peu cette femme. Julien était très perplexe. Il avait compté sur un choc fort rude, non sur une opposition préconçue, systématique, sur une hostilité sans cesse prête à se servir d'âmes empoisonnées. Il entrevoyait l'impossibilité d'aller directement et loyalement à Madame Ripert. « Crois-tu, demanda-t-elle, qu'elle me reconnaîtrait tout de suite si je me présentais chez elle sous un prétexte quelconque et sans me nommer ?»« La barbe ne change pas assez ta physionomie pour qu'une personne prévenue ne te reconnaisse pas. Elle sait donc que je suis Aix ? Je le jurerais. Qui aurait pu le lui dire ? Je n'ai vu personne autre que toi. J'évite soigneusement mes anciens amis personnels et les amis de ma famille. Madame Ripert a une police volontaire d'une merveilleuse sûreté. Je verrai. Je réfléchirai, j'aviserai. Que faire ? Julien revenait toujours à cette incertitude. Les projets se heurtaient dans son esprit, aussitôt abandonnés que formés. Mélanie ne lui avait pas raconté l'indigne conduite de M. Guermandy. Il eut l'idée de lui demander conseil, mais l'ancien conseiller d'État était parti pour Bordeaux, avec l'intention d'offrir ses services au gouvernement issu d'une assemblée réactionnaire et l'espérance de faire agréer ses offres. Il résolut de retourner sur les lieux du combat chercher une inspiration. La journée était magnifique. Le soleil gai et chaud jouait à travers les amandiers en fleurs. Peut-être Julien allait-il apercevoir Madame Ripert. Il la vit en effet, mais dans quelles circonstances? Dans le recoin du jardin le plus abrité, ce qu'on appelle un cagnard, un large et long fauteuil, un de ces fauteuils de malade, flanqué de deux oreilles pour soutenir la tête. Sur le fauteuil, un homme au corps maigre, rétréci, effilé, à la face blafarde, des yeux fixes profondément enchâssés dans des creux caverneux, un squelette. Julien reconnut un de ses anciens camarades d'école, que l'on appelait autrefois le beau Préval. Pourquoi était-il là et réduit à cet état de décomposition? Il frémit et eut pitié. Il eut peur aussi, peur au souvenir de ce qui aurait pu lui arriver, s'il n'avait pas eu le courage de fuir. Il revécut par la pensée sa courte liaison intime avec Madame Ripert. Il se revit au lendemain d'une nuit passée sous sa domination, alors qu'il laissait sa maîtresse dormant d'un sommeil calme, la respiration douce et régulière, le teint frais, l'haleine pure, comme une jeune fille dont les sens ne sont pas encore éveillés. Il ressentit à nouveau la terreur qui l'obligea à fuir loin, très loin, afin de n'être pas tenté de reprendre la coupe du breuvage mortel d'un tel amour. Il entendit la terrible femme lui dire, quelques années plus tard, dans la seule rencontre qu'il eut avec elle, « Tu as eu peur ? Oui, je l'avoue. Tu as très bien fait de fuir. » Quel devait être maintenant le chiffre de ses victimes? Le mot de Tacite sur Messaline lui revint à la mémoire. « Lassata non satiata ». Si Tacite vivait de nos jours et s'il connaissait Madame Ripert, il accentuerait et compléterait ce portrait disant de cette femme « Nunquam lassata nec satiata ». Mais la voici elle-même. Madame Ripert sortait de sa maison et pénétrait dans le jardin. C'était toujours la même femme, grande, svelte, superbe d'attitude et de démarche séduisante. Les longs plis de sa robe semblaient tracer un sillon lumineux dans l'espace, la tête bien droite sur un cou d'une ondoyante flexibilité, le buste ferme sur des hanches puissantes, la poitrine développée et d'une cambrure pleine de promesses. Pour qui la voyait pour la première fois, c'était une belle, fort belle femme, dans tout l'épanouissement de ses charmes. Julien dut faire effort pour ne pas crier au miracle. 15 ans avaient passé sur cette femme sans lui enlever une perfection. Ce sentiment de surprise et de stupeur amorti, Julien constata avec une grande joie qu'il n'était nullement ému. Madame Ripert n'était plus pour lui qu'une ennemie. Il mit à l'examiner une attention dégagée de toute préoccupation personnelle. Il s'aperçut alors, par comparaison, que sa beauté avait pris un caractère de matérialité parfaitement marqué. Les lèvres s'étaient épaissies, martelées par les baisers. Le contour du visage n'avait plus l'idéale finesse d'autrefois et accusait une certaine lourdeur. Mais c'était d'imperceptibles nuances que pouvait seul saisir un analyste intéressé à trouver des défauts à cette femme vraiment belle et qui se jouait triomphante de la passion. Rien ni personne ne lui avait résisté. En ce moment même, elle se donnait la terrible volupté de la destruction. À pas compter, elle s'approcha du fauteuil. Elle s'arrêta devant M. Préval, puis elle passa et repassa devant lui. Tout dans cette femme disait « Voilà mon œuvre ». Elle savourait cette langue agonie. Le mourant eut vers elle un élan passionné que son état de faiblesse rendait sinistre. De ses mains crispées, il essaya de se soulever sur les bras du fauteuil. Ses yeux, démesurément ouverts, lancèrent un éclair de fièvre. Sa bouche grimaça un baiser, mais impuissant à contenir les battements de son cœur, il retomba affaissé. La raideur de son cou se détendit et sa tête roula inerte sur l'une des oreilles du fauteuil. Madame Ripert s'éloigna comme elle était venue, sans prononcer une parole. Tout autre aurait baissé la tête devant ce spectre qui eût été un vivant remords. Elle souriait, elle. Julien la vit, sur le seuil de la maison, au moment de disparaître, rejeter voluptueusement la tête en arrière et humecter de sa langue ses lèvres sensuelles comme une tigresse qui pourlèche ses babines rouges de sang. Julien eut la tentation de se précipiter dans le jardin et de châtier cette femme, ce bourreau. Il se contint. L'heure du justicier n'était pas arrivée. Une diversion se produisit presque aussitôt. Les ouvrières sortaient des magasins et remplissaient l'air de leurs joyeux caquets. Elles envahirent le boulevard et défilèrent en colonnes serrées et bruyantes. Madame Ripert était revenue dans le jardin et s'était placée à la porte de la grille pour recevoir leur salut que Julien constata très sympathique. Mais il ne put faire de longues observations, ayant jugé prudent de fuir afin de n'être point dévisagé et plus tard reconnu. Il emportait son idée, ce qu'il était venu chercher. Les ouvrières lui serviraient d'introduction auprès de Madame Ripert. Julien partit pour Marseille, acheta chez un fripier un costume de colporteur, se munit d'une caisse à courroies et la remplit des foulards patriotiques que l'on venait d'éditer. Portraits des hommes du jour, Thiers, Garibaldi, Gambetta, combats héroïques, scènes de dévastation, épisodes touchants, il y avait 100 modèles différents, tous enluminés de couleurs éclatantes. Le jeune homme passa 2 jours à apprendre son métier, à se former au jargon des colporteurs, à imiter leurs cris, leurs appels, leurs facéties, à porter sa boîte sur le dos, tout en ayant des paquets de foulards sur les bras et les épaules, à plier et à déplier avec grâce sa marchandise, à en faire valoir les beautés. Marseille, à ce moment, était à peu près une ville libre. Les agents de l'autorité avaient bien autre chose à faire que de vérifier les permissions des colporteurs. Julien ne fut nullement inquiété et put tout à son aise se préparer à son expédition. Il n'avait mis dans sa confidence que son ami de Villeberg, qui, à sa prière, alla le recevoir à la gare d'Aix, ou plutôt le voir arriver. Julien avait pris place dans un wagon de 3e classe, et tant la curiosité était surexcitée qu'il dut débiter un certain nombre de ses foulards, ce qui lui fut médiocrement agréable. Il était par trop colporteur. Il se porta au plus vite vers la sortie, de peur d'être arrêté par la foule et obligé de vider sa boîte. Georges de Villeberg faillit lui jouer le mauvais tour d'une vente immédiate. « Eh, colporteur » cria-t-il, « as-tu des bazaines, le traître de Metz ?» Et se rapprochant vivement, « Tu es superbe, du diable s'il peut te reconnaître. » Mais à l'interpellation de M. de Villeberg, les voyageurs se pressaient curieusement. Julien vit le danger. « Je n'ai rien pour les moussiaux, petit messieurs, » dit-il, et il s'éloigna en grommelant. M. de Villeberg subit sans sourciller les rires moqueurs et même les quolibets des voyageurs. Puis, quand ceux-ci eurent évacué la gare, il alla rejoindre son ami qui marchait, le dos courbé, les jambes écartées, un chapeau mou sur la tête. « Rien de nouveau ?» demanda Julien. « Non, rien que je sache. » « L'heure de la sortie des ouvriers approche. Va m'attendre au café du cours. » Et il alla se poster sur une borne kilométrique en face des magasins de Madame Ripert.